24. Félicie reprend ses grands airs. Après une heure de travail, pendant laquelle les trois petits s'étaient beaucoup amusés et Félicie s'était trouvée satisfaite, le général et ses dames, suivis de tous les domestiques de la maison, firent leur entrée dans le potager et un moment après, tout était plein de mouvement et de bruit. Le général donnait des ordres aux domestiques, les enfants regardaient, croyaient aider, sautaient sur les meubles, grimpaient sur la charrette, faisaient des petits paquets, se poussaient, se bousculaient et s'amusaient comme des rois. Quand le chargement de la charrette fut terminé, tout le monde accompagna cette première partie du mobilier et voulut aider au déchargement. Le général dut arrêter ce trop grand zèle. Il garda le monde nécessaire pour monter les lits, les armoires, et renvoya la charrette pour faire un second chargement. Les enfants et la bonne y montèrent, Laurent prit le fouet et les guides, et on se dirigea lentement vers le jardin. « Veux-tu mener à ton tour ?» dit Laurent à Félicie, assise dans la charrette. Félicie, avec dédain, « Non, je te remercie, je ne suis pas habituée à l'office de charretier. » « Anne, c'est très amusant !» Félicie, « Moi, cela me déplaît. » Laurent, « Pourquoi cela ? On tire les guides, on fouette le cheval !» Félicie, et puis on verse dans le fossé, quand on tire mal ou quand on fouette trop fort. Laurent, mais moi je ne tire pas mal et je fouette tout doucement. La bonne, le charretier marche à côté du cheval et le fait aller au milieu du chemin. Il n'y a pas de danger. Laurent, hu, hu ho, hu, adia. Félicie, tais-toi donc, tu vas nous verser. Je veux descendre. Laurent, il n'y a pas de danger, je te dis. Hu, hu ho, hu. Je veux descendre, cria encore Félicie. Laurent, non, tu ne descendras pas. Hu, hu donc. Le cheval pressa le pas. Le charretier resta en arrière. Félicie criait. Laurent et Anne riaient. Juliette avait un peu peur. La bonne et Gertrude, voyant qu'il n'y avait aucun danger, cherchaient à calmer Félicie. Gertrude demanda à la bonne de faire monter le charretier près de Laurent pour rassurer Félicie. La bonne l'appela. Montez avec nous, Philippe. Mademoiselle Félicie a peur. Philippe grimpa dans la charrette. Félicie se levant, « Je ne veux pas que le charretier soit avec nous. » La bonne, « Pourquoi cela ? Sa présence vous rassurera. » Félicie, « Non, je ne veux pas qu'il soit près de moi. J'ai supporté beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est trop fort aussi. Qu'est-ce qu'on dirait de me voir près d'un paysan ? » La bonne, « Personne ne dira rien. Un paysan est un homme comme un autre. On ne vous regardera seulement pas. » Félicie, « Je te dis que c'est ridicule. Je ne veux pas. Arrêtez, Philippe. Je veux descendre. » Le charretier arrêta le cheval. Félicie sauta à bas de la charrette. Gertrude la suivit. « Allez, mon bon Philippe, » dit-elle, « nous vous rejoindrons au potager. » Juliette, « Pourquoi ne restes-tu pas avec nous ?» Gertrude, « Parce que j'aime mieux tenir compagnie à Félicie pour qu'elle ne soit pas seule. » Félicie, « À la bonne heure, tu fais comme moi. Tu ne veux pas te trouver près de ce charretier en blouse et en sabots. » Gertrude, « Oh, pas du tout. Cela me serait bien égal. Philippe est si poli, si complaisant qu'il ne me fait pas peur du tout. Je suis descendue pour ne pas te laisser seule. Ta bonne est obligée de rester près des petits. Mais pourquoi as-tu dit tout haut devant le pauvre Philippe que tu ne voulais pas rester avec lui dans la charrette? Tu lui as fait de la peine. Ce pauvre homme est devenu tout rouge. » Félicie, tant mieux. Il a compris qu'il n'aurait pas dû se permettre de monter avec nous. Gertrude, oh Félicie, pourquoi as-tu de pareilles idées? Pourquoi te figures-tu que tu es tellement au-dessus de ces pauvres gens qu'ils ne doivent même pas t'approcher, encore moins te toucher? Vois mes tantes et mon oncle, comme ils sont polis, soigneux pour tous leurs domestiques, pour les gens du village, comme ils s'intéressent à eux. Et vois aussi comme on les aime. Est-ce qu'on les respecte moins parce qu'ils se font aimer? Bien au contraire. Félicie, je ne peux pas faire de même. Ça me déplaît, ça me gêne. Leurs mains sales me dégoûtent. Ils sentent mauvais. Leurs cheveux sont mal peignés. Enfin, je déteste qu'ils me touchent. Gertrude, pauvre Félicie, je te plains. Personne ne t'aimera. Et tu ne seras pas heureuse. Félicie ne répondit pas. Gertrude ne dit plus rien. Elle vit qu'une fois encore l'accès de bonté de Félicie était passé. « Il faut du temps et de la patience, » pensa-t-elle. Mais pourquoi change-t-elle tout d'un coup, sans rime ni raison, pourvu qu'elle ne fasse pas demain quelque chose de désagréable à ce pauvre Dillois? Le déménagement continua, mais avec moins d'entrain pour les enfants. Félicie gênait tout le monde. Elle avait repris ce que son oncle appelait « ses grands airs ». Au dernier voyage, Félicie déclara qu'elle était fatiguée et qu'elle rentrait à la maison. Personne ne chercha à la retenir, pas même Gertrude, et elle se dirigea vers la maison d'un air assez maussade. Gertrude s'assit dehors à l'ombre d'un sapin et se laissa aller à ses réflexions. Je suis désolée, pensa-t-elle. Je sens que je n'aime plus autant Félicie que les premiers jours de mon arrivée. Elle a des idées si opposées aux miennes. Il faut toujours la ménager, la flatter même un peu. Et puis je crains qu'elle ne soit un peu jalouse de ce que mon oncle me dit d'aimable. Comme il est bon, mon oncle, je l'aime beaucoup. Il est si gai avec cela, si aimable. Quel dommage que pauvre maman ne soit pas ici. Comme c'est long un mois. Mais que puis-je faire pour changer Félicie, pour diminuer son orgueil? Par moments, elle a l'air d'être corrigée, excellente, et puis, sans qu'on sache pourquoi, elle change, elle devient froide et hautaine. Gertrude réfléchissait depuis assez longtemps lorsqu'elle entendit venir quelqu'un. Elle leva les yeux et vit venir son oncle qui venait s'asseoir près d'elle. « Gertrude, c'est vous, mon cher oncle. Je pensais à vous, tout justement. » Le général, « je viens me reposer un instant près de toi. Et que penses-tu, mon enfant ? » Gertrude. Je pensais que si vous pouviez m'aider à corriger Félicie de son orgueil, j'en serais bien heureuse. Le général. Est-ce qu'elle a encore fait quelques sottises? Dieu, que cette Péronnelle m'ennuie! Et combien j'admire ta tante d'Orvillet qui ne s'impatiente jamais contre elle, qui supporte ses impertinences, qui lui explique ses raisons pour ne pas lui accorder ses demandes et qui la traite toujours avec la même douceur. Gertrude. C'est que ma tante voit qu'il y a du bon dans Félicie et qu'avec de la douceur, elle finira par la rendre bonne. Le général. J'en doute, moi. Cette Félicie est une pécore et restera pécore, si elle pouvait te ressembler seulement un peu. Gertrude. Mon bon oncle, j'ai quelque chose à vous demander. Le général. Demande, ma fille, demande, accordée d'avance. Gertrude. Merci, mon oncle. Je vous demande donc instamment de ne pas dire du bien de moi devant Félicie et de ne pas me témoigner plus d'amitié qu'à elle. Le général, souriant. Ha ha, la pécore est jalouse. Je veux bien ne pas dire devant elle ce que je pense. Mais quant à lui témoigner la même affection qu'à toi, c'est impossible, absolument impossible. Ce ne serait pas juste, ce ne serait pas bien. Gertrude. Oh, mon oncle, je vous en prie, vous venez de me promettre de m'accorder ce que je vous demanderai. Le général. Je vais te prouver tout de suite que tu demandes l'impossible. M'aimes-tu, toi ? Gertrude, vivement. Oui, mon oncle, beaucoup, beaucoup. Le général. Et crois-tu que Félicie m'aime ? Gertrude, hésitant. Pas tant que je vous aime, mais pourtant... Le général. Elle me déteste, je le vois bien. Et crois-tu que je l'aime ? Gertrude. Hélas, non, mon oncle. Le général. Et enfin, une dernière question. Crois-tu que je t'aime ? Gertrude. Oh oui, mon oncle, j'en suis sûre. Le général, l'embrassant. Et tu as raison, cher enfant. Je t'aime parce que tu es bonne, pieuse, charitable, excellente en un mot. Et comment veux-tu que je traite avec la même amitié la nièce que j'aime et qui m'aime, et celle que je n'aime pas et qui ne m'aime pas ? Je te le demande à toi-même. Serait-il juste et bien ? Gertrude. Pas tout à fait, mon oncle, mais ce serait bien beau. Le général. Cher enfant, ce qui est injuste ne peut pas être beau. Ce serait de plus un mauvais exemple et une mauvaise leçon pour Félicie elle-même. Il faut qu'elle voie enfin qu'elle éloigne d'elle tout le monde et qu'elle se prépare une vie très malheureuse. Le général embrassa encore Gertrude et se leva pour continuer avec les enfants et les domestiques la surveillance du déménagement et de l'installation des marcottes. Le général. Viens avec moi, ma petite Gertrude. Tu nous aideras et tu empêcheras ces marcottes de se quereller. Ils ne font pas autre chose depuis qu'ils sont là-bas. 25. Gertrude remet la paix chez les marcottes. Gertrude prit le bras que lui offrait son oncle et ils se dirigèrent vers la maisonnette des vieux jardiniers. La charrette, portant sa dernière charge, augmentée des trois enfants aisés de la bonne, les rattrapa près de la maison. « Mon oncle, mon oncle !» crièrent les enfants. « Montez avec nous sur la charrette, on est très bien !» Le général, souriant, « Merci, mes petits amis. J'aime mieux me trouver sur mes jambes que me sentir secoué comme vous l'êtes, perché sur toutes ces caisses. » « Anne, c'est très amusant, mon oncle. Essayez, vous allez voir !» Le général, « Ce n'est pas la peine, nous arrivons. » En effet, on était à la porte de la maison. Les enfants descendirent, aidés par leur oncle et par Philippe. « Merci, mon oncle. Merci, Philippe, » dirent-ils tous l'un après l'autre. Le général, « À la bonne heure. Voilà de bons enfants qui disent merci quand on les aide. À présent que tout le monde se mette à décharger la voiture, nous allons tout mettre en place. » Gertrude, « Et moi, mon oncle, je vais aider à tout serrer dans les armoires et les bahuts. » Le général, « C'est cela, ma fille. Et vous, petit, gare à vous, gare aux meubles. » Laurent, « Nous allons nous reposer sous les pommiers, n'est-ce pas, mon oncle ?» Le général, « Très bien, allez vous reposer de vos grandes fatigues. Valérie, restez avec eux, de crainte qu'ils ne se jettent dans les meubles et dans les jambes du cheval. » Le déchargement fut bientôt terminé et les meubles furent mis en place. Gertrude continua à surveiller l'humeur querelleuse des vieux époux qui se chicanaient à propos de rien. Gertrude intervenait, décidée pour le mieux et de manière à les satisfaire. « Marcotte, et notre souper, que tu n'as seulement pas préparé ?»« Mère Marcotte, et comment que tu veux que je le prépare ? Où est-ce que je l'aurais préparé ? Sur le dos du cheval ? Sur les caisses ? Sur la belle redingote ?» Marcotte, tu n'as seulement pas une miche de pain, et j'ai l'estomac creux. Mère Marcotte, eh bien, tu iras en chercher chez le boulanger quand nous aurons tout rangé. Marcotte, c'est là, toujours moi, toujours le bonhomme pour courir de droite et de gauche. Mère Marcotte, et qui veux-tu que ce soit ? Je ne puis point y aller d'abord, je somme trop lasse. Marcotte, et moi donc, que les gens me rentrent dans le ventre, je n'arriverai seulement pas à moitié chemin. Mère Marcotte, eh bien, tu y resteras, mon vieux, voilà tout, pas d'embarras comme ça. Ma bonne mère Marcotte, dit Gertrude, tout en serrant le linge, vous n'arrangez pas très bien les choses pour le pauvre père Marcotte. Moi qui suis jeune et forte et qui ne suis pas fatiguée, je vais faire bien mieux. Je vais courir à la maison et je vous rapporterai un pain et une bouteille de vin. Mère Marcotte, ma bonne petite demoiselle, je ne supporterai point ça. Mon homme peut bien y aller. Il jeûne toujours, mais il va tout de même. Il ne faut point l'écouter. Gertrude, ah, mère Marcotte, vous n'êtes pas bonne pour lui. Voyez comme il a l'air fatigué. « Moi, cela m'amuse de courir. Cela me fait du bien. Voilà le linge bien rangé dans le bahut. Les draps par ici, les serviettes au milieu, les tabliers, les torchons à l'autre bout. Je vais donc aller chercher votre pain et je reviens dans un quart d'heure. » Gertrude partit en courant, sans attendre la réponse des Marcottes qui restèrent un instant ébahies. « Mère Marcotte, vois-tu, fainéant, voilà que tu fais courir cette bonne petite demoiselle du bon Dieu pour faire ton ouvrage. C'est gentil, ça. Que va dire madame et monsieur le comte ?» Marcotte, vas-tu me laisser tranquille enfin, vieille serpe ? Prends garde que la main me démange et que je ne gratte sur ton dos. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a donc ? Dit le général en entrant. Mère Marcotte, il y a, monsieur le comte, que cette bonne petite demoiselle Gertrude est partie en courant pour nous chercher un pain, parce que mon homme prétend qu'il n'a plus de force et qu'il boulerait en chemin. C'est-il une raison à donner, ça, quand tout le monde se met à l'ouvrage pour lui et qu'il n'a qu'à tourner ses 10 doigts ? Le général, Gertrude est allée elle-même vous chercher du pain ? Mère Marcotte, oui, monsieur le comte, sans que j'aie pu l'en empêcher, et ce fainéant qui n'a pas plus bougé qu'un homme de bois. Le général, Gertrude est une bonne fille, et vous, mère Marcotte, vous êtes trop dure pour votre pauvre mari. Songez donc qu'il a 72 ans, et qu'à cet âge, on ne fait pas la journée d'un homme de 40. Père Marcotte, laissez crier votre femme, et venez nous faire voir où il faut placer votre pipe de cidre. Marcotte suivit le général avec empressement. Les gens du château lui arrangèrent son tonneau de cidre sur chantier. Ensuite, on lui tassa son bois dans la petite cave. On plaça les bourrées et les fagots dans le grenier. Ce fut la fin de l'emménagement et tout le monde repartit. Le général dit aux domestiques d'aller se rafraîchir au château avec quelques bouteilles de vin. Et lui-même partit tout doucement pour aller à la rencontre de Gertrude. Il avait à courir de loin avec un pain de 4 livres sous le bras, une bouteille de vin à la main et une terrine couverte de l'autre. « Ma bonne fille, lui dit le général, pourquoi n'as-tu pas dit à un des gens d'apporter tout cela ? Dans quel état tu es ? Tu es en âge, ma pauvre enfant. »« C'est que j'ai toujours couru, mon oncle, répondit Gertrude. Ces pauvres Marcottes se querellaient si fort, j'ai eu peur qu'ils ne se fâchassent pour tout de bon, et les gens étaient tous occupés à la charrette. Ils avaient assez à faire. » Le général lui essuya le front couvert de sueur et le lui baisa. « Excellent enfant, comme ta tante avait raison. » Il lui enleva de force sa terrine et sa bouteille et l'accompagna jusque chez les Marcottes. Le général. « Qu'as-tu donc dans cette lourde terrine ? Gertrude. « Du bouillon, mon oncle, avec quelques morceaux de bœuf. Ils n'auront plus qu'à réchauffer leur dîner qui se trouve tout cuit d'avance. » Le général. « Tu as pensé à tout, ma bonne petite. » Gertrude, vivement. « C'est ma tante qui a fait ajouter la terrine, mon oncle. Je lui avais demandé la permission d'emporter du pain et du vin. » Ma tante, qui est si bonne et qui pense à tout, elle, m'a dit de faire porter aux Marcottes un dîner complet. Vous voyez que ce n'est pas moi. Le général. Qu'est devenue Félicie ? Gertrude, embarrassée. Elle était chez ma tante. Elle est venue un peu avec moi. Le général. T'a-t-elle aidé à porter tes provisions ? Gertrude, avec hésitation. Je lui ai dit que ce n'était pas lourd, mon oncle, que je les porterais bien seule. Le général. Elle t'a laissé faire ? Gertrude. Il le fallait bien, mon oncle, puisque je le voulais. Le général, riant, « Ah, c'est vrai, j'oublie que tu es si méchante qu'on n'ose pas te résister. » Ils arrivaient chez les Marcottes, qu'ils trouvèrent contemplant de bonne amitié les agréments de leur nouveau logement. Ils déposèrent les provisions, elles furent reçues avec autant de reconnaissance que de joie. Gertrude retira encore de sa poche deux œufs et un petit paquet de sel et de poivre, puis elle se sauva pour éviter de nouveaux remerciements. En revenant, son oncle l'interrogea sur ses occupations habituelles, sur la vie qu'elle menait à la campagne. Elle parla avec animation de sa tendresse pour ses parents, surtout pour sa mère, qu'elle n'avait jamais quittée. Elle pleurait en parlant, et son oncle, peiné d'avoir excité ce chagrin, changea de conversation et lui raconta plusieurs anecdotes intéressantes de ses campagnes d'Afrique. Gertrude revint enchantée de son oncle. En arrivant, elle lui dit « Quand maman sera de retour, mon oncle, demandez-lui de rester bien longtemps ici. Je suis sûre qu'elle y sera aussi heureuse que moi. Et puis, vous viendrez un peu chez nous en Bretagne, mon oncle. C'est un si beau pays. Certainement, je ne retournerai pas en Afrique sans vous avoir fait une visite. » 26. Installation d'Édilois. Une demi-journée avait suffi aux maçons pour blanchir à la chaux les plafonds et les murs de la future habitation d'Édilois. Tout y était blanc et propre. Dans l'après-midi, tout le monde se mit à l'ouvrage pour y placer le mobilier. Félicie voulut bien y aider avec les autres. Elle chercha même à embellir en demandant à sa mère de petits rideaux pour les croisées et différents objets de ménage. Laurent et Anne, de leur côté, voulurent apporter de petites chaises d'enfants, une petite table, de vieux joujoux. « Tiens, dit Laurent, mettons tout cela dans notre petite charrette. Viens, Anne, viens, Juliette, aidez-moi à descendre les joujoux et à les charger sur la charrette. Prends ce cheval de bois, Juliette, il est trop lourd pour Anne. » Anne, « Et moi, qu'est-ce que je porterai ?» Laurent, « Prends cette boîte de maison et moi je descendrai la vaisselle, les petits pots, les assiettes, les verres. » Anne, « Comme ils vont être contents, ces pauvres petits cheminots !» Laurent, « Il ne faut plus dire cheminots, Dilois n'est plus cheminot. » Anne, « Et comment faut-il dire ?» Laurent, « Il faut dire jardinier, les petits jardiniers. » Anne, « Alors ils nous aideront à notre jardin ?» Laurent, « Certainement, et nous nous amuserons bien avec eux. » Quand le chargement de la petite charrette fut complet, Laurent se mit à traîner. Juliette et Anne poussèrent par derrière et on se mit en marche au grand trot pour arriver plus vite. Laurent accrocha une grosse pierre qu'il n'avait pas vue et il tomba. La charrette versa avec tout son chargement. Laurent ne s'était pas fait beaucoup de mal, il avait seulement un genou un peu écorché. Il se releva promptement. Les trois enfants regardaient avec consternation les effets dispersés dans l'herbe et sur le chemin. Juliette, qu'est-ce que nous allons faire? T'es-tu fait mal, Laurent? Laurent, non, très peu, il faut charger, de nouveau. Juliette, si nous appelions Gertrude et Félicie, je crois que nous avions mal chargé. Nous avions mis la table et les chaises par-dessus, il fallait les mettre dessous. Laurent, c'est vrai, cela sera moins haut. Juliette, alors, recommençons. Ils allaient se mettre courageusement à l'ouvrage quand Gertrude arriva. Anne, Gertrude, Gertrude, veux-tu nous aider à recharger tout cela? Nous avons versé en chemin. Gertrude, pauvres enfants, je vais vous aider, ce sera bientôt fait. Et pendant que nous remettrons tout cela dans la charrette, va chercher une corde, mon petit Laurent, pour fixer les meubles. Nous les attacherons comme on fait aux voitures de foin pour empêcher les bottes de tomber. Félicie, d'une des fenêtres du château, Gertrude, Gertrude, où es-tu? Viens vite! Gertrude, criant, je ne peux pas, qu'est-ce que tu veux? Félicie, de même, trouvez un petit rideau qui me manque, j'en ai besoin tout de suite. Gertrude, de même, attends un quart d'heure, j'ai affaire. Félicie, je suis pressée, arrive tout de suite. Gertrude, impossible, moi aussi je suis très pressée. Félicie, mais où es-tu donc? Je ne te vois pas. Gertrude, dans le chemin du potager. Félicie, qu'est-ce que tu fais? Gertrude, je charge une charrette de meubles. Qu'est-ce qu'elle dit donc? Pensa Félicie. On a apporté de la ville hier et ce matin tous les meubles pour Dilois. Il ne peut pas y avoir une charrette de meubles dans le chemin du potager, d'ailleurs. Il n'est pas assez large pour les charrettes. Je vais aller voir moi-même. Félicie descendit et trouva Gertrude, Juliette et même la petite Anne très affairées à rassembler les joujoux éparpillés. Félicie, comment, Gertrude, c'est ça qui t'empêche de venir me joindre? C'est ça que tu appelles un travail pressé? Ah ah ah, quelle bêtise! Juliette, c'est une bêtise pour toi, mais c'est très important pour nous. Félicie à Gertrude, laisse donc cela et viens avec moi. Gertrude, non, Félicie, j'ai promis à ces pauvres petits de les aider et je veux finir de tout arranger. Ils ont déjà versé une fois parce que le mobilier était mal chargé. Félicie, eh bien, ils verseront une seconde fois, il n'y a pas grand mal. Juliette, tu es méchante, Félicie. Quand ça verse, ça casse. Tiens, vois, deux assiettes et un verre cassé. Félicie, eh bien, il en reste bien assez pour vous amuser. Anne, ce n'est pas pour nous, c'est pour les petits Dilois. Félicie, les petits Dilois, tout ça pour des petits enfants de cheminots. Laurent venait d'arriver, traînant une corde. Laurent, d'abord, Dilois n'est plus un cheminot. Ensuite, il a sauvé mon oncle, il a sauvé maman, il a sauvé Anne, il a sauvé moi, et il a sauvé toi, et deux fois encore. Et nous voulons lui faire plaisir pour qu'il voie que nous l'aimons. Félicie. Maman et mon oncle l'ont bien assez récompensé en lui donnant de l'argent, des habits et la place de jardinier. Gertrude. Ce qui n'empêche pas ma bonne Félicie que nous autres tous, qui n'avons pu rien faire pour lui, nous sommes bien contents de pouvoir lui témoigner notre reconnaissance. Félicie. Fameux cadeau, des joujoux cassés. Gertrude. Ce n'est pas tant les joujoux que la pensée aimable de Laurent, d'Anne et de Juliette qui fera plaisir à ce bon Dillois. Félicie. D'abord, toi et Juliette, vous ne lui devez rien du tout. Gertrude. Tu appelles rien d'avoir secouru ceux que nous aimons ? Félicie. Qui donc, ceux que vous aimez ? Gertrude. Vous tous, et puis mon oncle. Félicie. Oh, mon oncle, un militaire ? Laurent. Tu comptes mon oncle pour rien ? Parce qu'il est militaire. Fallait-il le laisser tuer par ces trois méchants arabes ? Anne. Mon oncle, c'est bien plus que toi. Toi, tu es méchante, et tu grognes toujours. Et mon oncle, il est excellent. Tout le monde l'aime, et il nous aime tous. Excepté toi. Félicie. Oh, tu n'as pas besoin de me dire que mon oncle ne m'aime pas. Je sais qu'il me déteste. Gertrude. Tu as bien tort, Félicie, de le dire et de le croire. Comment mon oncle, qui est si bon, pourrait-il détester la fille de sa sœur ? Tout en causant, ou plutôt en discutant, Gertrude, aidée de Juliette et d'Anne, avait tout ramassé et replacé dans la petite charrette. Gertrude. À présent, Laurent, donne-moi la corde. Laurent. La voici. Comme je n'ai trouvé personne à la ferme, j'ai pris nos deux cordes à sauter, que j'ai attachées ensemble. Félicie. Une de ces cordes est à moi. Je ne veux pas qu'on prenne ma corde pour des petits paysans. Rends-la-moi. Laurent. Oh, Félicie, je t'en prie, laisse-la-nous. C'est seulement pour mener la charrette jusqu'à la maison de Dillois. Personne ne la touchera, je t'assure. Félicie. Non, je ne veux pas. Tu n'as qu'à demander une corde à mon oncle, puisqu'il est si bon. Il t'en donnera une. Laurent. Mais où veux-tu qu'il en prenne une à présent ? Il nous la faut tout de suite. Gertrude. Félicie, tu es fâchée, et je t'assure que tu n'as pas raison. Tu as assez d'esprit pour comprendre que tu nous fais de la peine, sans que nous ayons rien fait pour te fâcher. Voyons, ma bonne Félicie, prête-nous ta corde. Je te promets de la rapporter dans un quart d'heure. Veux-tu ? Ajouta Gertrude, en allant à elle et en l'embrassant. Me la refuseras-tu à moi, qui suis ton amie ? Félicie comprenait qu'elle jouait un rôle ridicule. Elle commençait à en être embarrassée. Elle saisit le moyen que lui offrait Gertrude et répondit « Prends tout ce que tu voudras, je ne tiens pas à ma corde. C'était pour taquiner Laurent et Anne que je voulais la ravoir. Ils me prennent toutes mes affaires et je n'aime pas cela. » Gertrude. « Merci, Félicie. Tu es bien bonne, » ajouta-t-elle après un instant d'hésitation. Laurent sauta de joie et se mit à arranger la corde pour retenir tout le chargement. Avec l'aide de Gertrude, ce fut bientôt fait. Les trois enfants repartirent au grand trot et arrivèrent sans autre accident à la maison du jardinier. Le soir, on fit dire à Dillois qu'il pouvait arriver avec sa femme et ses enfants dès le lendemain matin. Ils ne manquèrent pas au rendez-vous. Gertrude et les enfants allèrent les y recevoir. Félicie avait d'abord refusé de les accompagner, mais un bon mouvement la fit rougir de son ingratitude. Elle avait sincèrement pardonné à Dillois l'aventure dont il avait témoigné tant de honte et de regrets. Elle trouva elle-même que c'était mal à elle de ne pas se trouver à son arrivée, et elle ne tarda pas à rejoindre les autres. Il était temps, 5 minutes après, les enfants, qui s'étaient postés en sentinelle à la porte du potager, accoururent en criant « Les voilà ! Les voilà ! Ils arrivent !» Laurent, Dillois, a une caisse sur l'épaule. La femme porte un gros paquet. Anne, et les enfants portent de petits paquets. Juliette, ils vont lentement, ils ont l'air fatigués. Ils se rangèrent tous à la porte et laissèrent approcher la famille Dillois. Quand elle fut tout près, les enfants poussèrent de grands cris et se précipitèrent sur les petits Dillois, dont l'aîné avait 8 ans, le second 6, le troisième 4 et le dernier 2 ans. Les enfants furent effrayés de ces cris et se mirent à pleurer. Les deux derniers criaient de toute leur force et se débattaient contre Laurent et Anne, qui les tiraient en poussant des cris de joie. « N'ayez pas peur, venez voir les joujoux !» La mère les rassurait, les poussait pour les faire entrer. Dillois était tout confus de la terreur de ses enfants. Gertrude et Félicie lui dirent amicalement bonjour ainsi qu'à sa femme. Puis Gertrude obtint de Laurent et d'Anne de ne pas forcer les enfants à entrer. « Laurent, il faut qu'ils voient les joujoux pourtant, ils seront bien contents !» Gertrude, « Tout à l'heure, mon cher petit, il faut les laisser s'habituer à nous, tout doucement !» Félicie, « Entrez, entrez, Dillois, faites entrer votre femme avec vos enfants pour qu'ils voient leur nouvelle maison !» On parvint enfin à mettre les enfants en présence des joujoux. Les cris et les pleurs s'arrêtèrent. Laurent mit la bride d'un grand cheval sans tête entre les mains du garçon de 8 ans. Anne posa sa poupée sans pied dans les bras de la fille de 6 ans. Juliette fit prendre une charrette à 3 roues au petit garçon de 4 ans et une boîte de petite maison au tout petit de 2 ans. Un quart d'heure après, le tumulte du premier moment était apaisé. Les enfants de Dillois jouaient, ceux du château les faisaient jouer. Une boîte de chocolat que leur donna Juliette acheva de les mettre à l'aise. Gertrude et Félicie, pendant ce temps, faisaient tout voir au mari et à la femme. Gertrude, cette chambre-ci est votre salle et cuisine en même temps. Voici de la vaisselle dans ce dressoir. Voilà les ustensiles de cuisine, des cruches et des seaux pour l'eau. Voilà la huche pour le pain et la farine. Voilà un placard à provisions. Félicie, voilà la chambre et une autre à côté, avec les lits des garçons. Voici une armoire pleine de linge. Voilà un bahut avec des vêtements pour vous tous. Voilà une table, des chaises, enfin tout ce qu'il vous faut, des cuvettes, des pots à eau, tout, enfin. Gertrude, et s'il vous manque quelque chose, vous le demanderez à ma tante, mais il me semble qu'elle a pensé à tout. Dillois, mon Dieu, faut-il que vous soyez tous bons pour nous établir comme ça ? Oh, mes chères, mes bonnes petites demoiselles, jamais nous n'aurons assez de reconnaissance de tout ce que vous faites pour nous. Mais regarde donc, Marthe, tout ça est Thibaut, trop beau pour nous, et ce crucifix, et cette sainte Vierge ? La femme Dillois pleurait à chaudes larmes. Elle ne put dire une parole. Gertrude, quand vous voudrez témoigner votre reconnaissance à ma tante, à mon oncle et à Félicie, mon bon Dillois, faites-le au pied de ce crucifix et de cette statuette de la sainte Vierge. C'est notre présent particulier à Félicie et à moi. Vous prierez ici pour nous et vous y ferez prier vos enfants. La femme Dillois se jeta à genoux devant le crucifix et sanglota tout en remerciant Dieu de son bonheur. Félicie et Gertrude se retirèrent. Gertrude avait compris que les Dillois préféraient rester seules au milieu de cette émotion si vive. Elles appelèrent les enfants et eurent de la peine à leur faire quitter les 4 petits Dillois.